Bonsoir, bonsoir et bonsoir et bienvenue au fond près du radiateur sur FPP 106.3 FM. Tous les mardis de 19h à 20h30, on est rediffusé le vendredi matin de 7h à 8h30 il me semble. Je vais commencer tout de suite par vous rappeler les adresses utiles où vous pouvez nous envoyer des infos, des contre-infos, tout ce qui vous semble pertinent et qui ne passe pas dans les médias dominants. C'est tout en attaché, tout en minuscule, au fond près du radiateur, @nolog.com il me semble. Sinon, on a aussi une page sur les réseaux sociaux et aussi vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur la très bonne plateforme qui s'appelle Son en lutte, où vous pourrez retrouver notamment d'autres reportages de FPP, des micro-trottoirs, plein de choses super pertinentes. Alors, ce soir, au programme, on va faire une émission un petit peu musicale, une fois n'est pas coutume, dans Au fond près du radiateur. On va vous parler d'un petit festival qu'on monte avec un collectif de Sound System dans la banlieue d'Île-de-France. Et comme il se doit, bien sûr, à la fin de cette émission, on fera un petit agenda sur les mouvements sociaux. On rappelle que notamment les grévistes sont toujours en grève, on big up tous les grévistes de tous les secteurs, notamment les cheminots. Et on fera un petit bilan des manifs à venir et peut-être même, si on a le temps, un débrief de la manif antifasciste du 4 juin. Ce soir, à la technique, on a notre ami Raph qui est au contrôle. Je crois qu'il veut nous dire un petit mot. Ouais, tu veux dire ? Vas-y, mon chou, si tu veux y aller. Stop. Yes, yes, vous êtes bien de retour au fond près du radiateur. On vient de s'écouter une coproduction entre Gamasound, un artiste qui nous vient de Bruxelles, et une chanteuse qui nous vient de Hollande. Sista s'appelle Sista Rosier, il me semble bien, elle est tchèque. Ce qu'on vient d'écouter, écoutez, bah, c'est du dub. C'est exactement le genre de musique qu'on pourra retrouver au festival qu'on organise, dont on va vous parler un peu plus tard. Ce soir, avec moi, j'ai plusieurs aficionados, activistes, voire même peut-être des membres de Sound System qui devraient pas tarder à débouler. Mais pour l'instant, ils sont bloqués dans les fameux embouteillages du vendredi soir que tout le monde connaît si bien. Alors ce soir, pour le moment, avec moi, j'ai Farial. Hey, hey. Et notre ami Ludo. Hello. Alors on va en commencer par une question assez simple pour les auditeurs novices ou qui ne coûtent pas beaucoup de dub. C'est quoi du dub, Farial? Une petite idée, un truc comme ça? Alors déjà en premier lieu, on est avec Dub Sensei du Sound System Stepper Alliance. Stepper Alliance qui seront présents également sur le festival qu'on organise dans pas longtemps. Un festival de dub. Alors le dub, qu'est-ce que c'est? Drum and bass. Drum and bass, hein, c'est une belle combinaison. Ça nous vient du reggae, en fait, parce qu'on ne peut pas parler de dub sans parler de reggae. C'est toute la partie sur laquelle on va ajouter des effets, parce que dans le reggae, on a la partie vocale, donc souvent qu'on retrouve sur la face A des vinyles, mais également sur la face B, la version beaucoup plus instrumentale, qu'on va dubber, c'est-à-dire mettre des effets, des petits délais, de la réverb, etc, etc. Alors, est-ce que c'est assez clair? Est-ce que c'est assez simple? C'est un style avant tout musical, alors qu'il fait la place belle aux musiciens, à l'ingénieur du son, plus qu'au chanteur, quoi. Tout à fait. C'est un ingénieur du son qui, dans les années 70, l'a démocratisé, l'a créé, qui s'appelle King Tubby, en Jamaïque. Et après, il y a eu... Alors, il a trafiqué un petit peu, il était un petit peu électronicien, il a trafiqué ses platines, il a créé des effets... Et il a amené ça en Sound System, parce qu'il y avait déjà des Sound System en Jamaïque. C'était à des croisements. Je te coupe direct, Ludo, je suis désolé, c'est pas poli, mais encore une fois, pour nos auditeurs novices, un Sound System, mais qu'est-ce que c'est? J'allais y venir. Super. Donc, au départ, c'était un croisement de rue en Jamaïque, dans un pays en fait, où les concerts, il y en avait très très peu. Et en fait, ils se sont dit, on va faire de la musique. Et ils se sont dit, on va faire des Sound System. Enfin, ils pensaient... pas avec ce terme-là, mais ils ont amené en fait des enceintes pour diffuser de la musique avec des vinyles pour que les gens ils puissent danser toute la nuit, tout simplement. Ouais. Et là, ça avait lieu dans la rue, à des croisements, et les gens venaient, voilà. Ouais, il faut rappeler qu'à l'époque, très très peu de gens avaient l'électricité chez eux, et ceux qui avaient encore moins, ils étaient encore moins nombreux à avoir une platine. C'était très très difficile d'écouter de la musique. Les seuls moyens d'être musicien professionnel à l'époque en Jamaïque, c'était de travailler dans un hôtel et faire de la musique américaine. Donc les gens, proprement parlé, n'avaient pas accès à la musique. Et effectivement, il semblerait que les Sound System aient eu cette vocation d'apporter la musique aux gens chez eux. Quoi, en fait. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'a commencé le truc. Donc alors, c'est un festival de Sound System de dub. Mais pas que, alors apparemment il y a deux, trois autres festivités plutôt conscientes, dirons-nous. Alors déjà, on pourrait quand même donner le nom à nos auditeurs, le suspense a assez duré peut-être, parce qu'on parle d'un festival, on vous donne rendez-vous là-bas, mais quel festival? Donc c'est le Alter Echoes Festival. Voilà. On était venus l'année dernière ici pour la première édition, on avait fait une petite émission également, là on est à notre deuxième édition. Et cette année, on a prévu une très belle scène live sur les deux jours qui sera sonorisée par Sound System, parce qu'on aime ça. Mais également deux autres scènes avec deux scènes Sound System. Un chill out, un village associatif, plein de jolies choses. Oui, Ludo ? Un chill out avec un Sound System. Petit Sound System. Sound System quand même. Oui. Et alors, j'ai cru voir sur un... le texte de présentation de ce festival qu'il y avait une sorte de démarche éco-citoyenne, éthique, bio, un truc de gauchiste hippie, quoi, un peu. Est-ce que tu peux plus me parler de cet aspect gauchiste hippie qui, je suis sûr, plaît forcément aux éditeurs au fond près du radiateur? Évidemment, tout ça, on revient encore au Sound System. Le Sound System, en anglais, ça veut également dire un système sain, S-A-I-N. Donc, vérifiez, je ne raconte pas des bobards... Good to know. Donc un système sain, ça veut dire respecter son environnement, être conscient du monde dans lequel on vit, proposer des alternatives, d'où le Alter Echos. Donc cette année, tout comme l'année dernière, on essaie de faire marcher le local au maximum. On essaye de respecter un pacte d'éco-responsabilité, à tendre vers un objectif zéro déchet. On essaie de faire intervenir des stands, des exposants qui pourront nous permettre de comprendre, d'apercevoir notre présence sous un autre angle. Et tout ça en musique, évidemment, bien toujours. Mais quand tu parles de local, qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Ça veut dire nourriture locale, les légumes sont locaux, la boisson est locale. Et bio ? Bio, artisanal, parce que nous, on aime l'artisanat dans les zones système. Tout ce qui est do it yourself, le fait maison, le recyclage, ce genre de choses, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. La construction de toilettes sèches à partir de palettes qu'on aura récupérées. D'ailleurs, un sound system, c'est quoi ? C'est un système de son que les personnes fabriquent artisanalement. Chaque sono a sa propre sonorité. Donc, on est encore dans l'artisanat, hein, Dubsensei. Hein. C'est très bien. Et j'aurais juste aussi rajouté un petit truc. C'est qu'on parle aussi très souvent dans les sound systems de roots and culture, roots and culture. Et en fait, très souvent, c'est basé sur quatre fondamentaux. C'est un, le sound system qui est construit, c'est-à-dire les enceintes qui sont construites de façon artisanale, avec deux, accompagnées d'une musique conscious, c'est-à-dire engagée, avec un fond dans les paroles et dans les intentions. Donc là, c'est du reggae conscious avec du dub. Il y a encore deux autres parties. C'est une nourriture qu'on appelle, dans ce milieu-là du reggae, ital, qui est végétarienne, même végétalienne, et où on prend aussi des produits très souvent locaux. Donc ça se rajoute un petit peu. On ne se prétend pas un festival purement, vraiment pur roots and culture, pour pas... on n'utilise pas ce terme-là, mais c'est une des parties. Et il y a une quatrième partie, c'est aussi... ça se faisait déjà dans les années 80 et tout. C'est aussi, on rajoute... de l'artisanat, on fait venir des gens, et c'est ce qu'on va aussi un peu faire venir sur le village associatif, des gens qui vont présenter des produits d'artisanat, il va y avoir des bijoux, des sacs qui vont être fabriqués de façon... Il y a un village associatif. Il y a un petit village associatif. Ah bah, qu'est-ce donc que ce village associatif ? Est-ce que Fariel, tu pourrais m'en dire un petit peu plus ? Mais avec plaisir. Ce village associatif, c'est un merveilleux endroit qui va accueillir des personnes qui vont nous présenter, par exemple, comment recycler des bouteilles de lait et faire des choses avec les imprimantes 3D, avec ça, par exemple. C'est quoi ? C'est des massages gratuits pour les gens, c'est des journaux engagés qui seront présents également. Yes, j'en profite pour dire qu'il y aura peut-être les poteaux du collectif des Radis, les Feuillets des Radis, un journal autogéré du 93 que je vous conseille de lire. Et un gros big up à toute l'équipe du Feuillet des Radis. Pardon de t'avoir coupé, Fafou, vas-y, continue. Ah, des feuilles et des radis, ça fait du bien à la santé. En parlant de choses bonnes pour la santé, on a également une charmante dame qui va venir nous présenter ce qu'on appelle la musicothérapie. La musicothérapie ? Tout oh, à merde. Fait. attends, ça me parle beaucoup. Ça explique le concept, on écoute de la musique et on va mieux, c'est ça ? Ah, ça fait partie. Mais également, comment la musique peut aussi influencer sur nos humeurs et comment également elles peuvent créer des liens de causalité. Okay. Enfin, plein de petites choses, on ne va pas tout dévoiler maintenant. Et si Raph est avec nous, je pense qu'on peut se faire tout de suite une petite séance de musicothérapie, justement, avec du dub, petite production, dubplate style. Run it, my selector from the top, please. I switch with the music. When we say Raph, your story is written in a sky, in a cycle astrological eye. No man on earth can come compromise. We are one, creation is from the number time. In a conscience, your soul is alive. The planets, they're my guide from inside. Yeah, in a mother we pray for, we soul realign. The planets and the stars, they're my guide from inside. In a second you were made, they made you one of a kind. Positioning emotions of astral collide, uniting one another. vient de s'écouter Original Rockers, qui est un sound system qui vient du sud. Ah non, on me signale dans mon oreillette. C'est pas Original Rockers qu'il faudrait dire? Pas tout à fait, c'est la même famille en fait. C'est Agbu avec Marcus Gad. Marcus Gad qui était présent à Party Time ici à FPP il y a quelques mois, quelques semaines, quelque chose comme ça. Et qui sont connectés avec Original Rockers. D'accord, je crois que c'était Original Rockers qui faisait l'instru, mais c'est Agbu, qu'on big up d'ailleurs au passage, qui nous a fait cette super instru. Alors pendant qu'on écoutait cette petite séance de musicothérapie, on a reçu un petit texto des camarades, et priorité à la grève, priorité au mouvement social, priorité à ceux qui se tapent. Alors on va vous diffuser tout de suite un petit message, je crois que c'est un rassemblement au Comico pour soutenir les poteaux intermittents qui étaient au MEDEF aujourd'hui. Raph, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Donc voilà, déjà pour dire que le mouvement contre la loi travail, malgré le fait que le gouvernement appelle à cesser les grèves, continue. Il y a des grèves dans différents secteurs, donc des grèves à la SNCF, à la RATP, mais aussi chez les éboueurs, dans les ports et docks, dans les raffineries, toujours des actions de blocage organisées un peu partout par des groupes indépendants. Voilà quoi, il se passe toujours pas mal de choses. Et pour dire qu'aujourd'hui, les intermittents, donc, avec d'autres personnes, ils ont occupé le siège du MEDEF. Donc le MEDEF, c'est le syndicat des patrons. C'est pour eux que... Le MEDEF, c'est le syndicat des patrons, donc c'est pour eux qu'a été fait cette loi. C'est eux qui l'ont demandé. C'est leurs intérêts que ça va servir, c'est-à-dire qu'ils vont nous faire tous travailler plus comme des chiens. Et puis pour qu'à côté de ça, le patronat fasse des économies sur les salaires des gens. Donc ça va être des économies sur notre dos pour augmenter leurs bénéfices. Donc c'est un peu ça l'esprit de cette loi. Donc aujourd'hui, il y avait une occupation du MEDEF. Et donc il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées suite à cette action, notamment une personne qui a été blessée par le chef de la sécurité du MEDEF et qui a été accusée, comme c'est l'habitude, d'avoir été l'auteur des violences. Mais en réalité, c'est lui qui a été blessé. Donc il est toujours en garde à vue. Donc il y a un rassemblement devant le commissariat rue Faber. Donc c'est dans le 7e à Paris, métro Invalides. Et l'entrée, c'est face au 2 bis rue Faber, voilà, pour vous tenir au courant. Il y a aussi la manifestation mardi prochain, le 14, donc qui sera la grosse journée appelée un peu par les syndicats. Donc on vous appelle à rejoindre cette manifestation, et aussi sans attendre un peu les mots d'ordre syndicaux, il y aura une manifestation jeudi prochain à 14h qui va se greffer un peu à la manif notamment organisée par les cheminots. Donc toutes ces infos, vous pouvez les retrouver sur le site Paris Lutte Info. Donc on vous invite à faire un tour là, sur ce site, et aussi sur le groupe On Bloque Tout. C'est une page Facebook de syndicalistes assez déter. Vous avez différents groupes comme ça, Mouvement Anti-Loi Travail, une page Facebook qui peut vous intéresser, qui regroupe un peu toutes les actions qui peuvent se passer dans le pays. Et donc pour dire aussi qu'il y a un collectif d'avocats qui est mis en place pour prendre la défense des manifestants, parce qu'on sait qu'il y a eu énormément des mots d'ordre de la part du gouvernement pour que les flics n'aient aucune retenue contre les manifestants. Donc il y a eu énormément de violence. Il y a une personne qui a pris, à la dernière manifestation, une personne qui avait pris un éclat de grenade de désencerclement qui a été jeté par un keuf sur les manifestants sans raison, de manière complètement non réglementaire. Donc il a pris un bout dans le crâne, il vient de se réveiller du coma. Donc voilà, il y a des histoires comme ça. Et donc il y a un appel par ce groupe d'avocats qui s'appelle DEFCOL pour recenser tous les témoignages sur les violences policières. Et du coup, vous pouvez raconter ce que vous avez vu dans les manifs. Ils vont monter un dossier pour le porter en justice. Donc il y a un dossier collectif qui va essayer de regrouper un peu toutes les plaintes. Vous pouvez aussi aller voir sur le site Mediapart, notamment dernièrement, qui a recensé toutes ces violences. Et donc de nombreuses vidéos dans toutes les villes de France qui sont mises en ligne. Donc voilà, c'était pour un peu donner l'actualité du mouvement. On lâche pas l'affaire. On peut compter que sur nous, ça se passe maintenant. Si on veut le retrait de cette loi, voilà, pas en subir les conséquences pendant des dizaines d'années. Je sais pas comment dire, c'est soit la victoire, soit le fascisme. Je sais pas comment dire, il faut y aller maintenant, voilà. Donc vas-y, c'était un petit intermède, on relaie les infos qu'on nous envoie ici, au fond près du radiateur. Donc Jean, je te rends la parole, on va se détendre un peu plus. Yes, yes, yes, juste toujours sur le même topo. Juste avant, là, moi je suis arrivé un peu tôt à FPP, j'écoutais l'émission des collègues qui ont le VIH, et ils ont fait une super émission sur la loi travail et la médecine au travail et ce que ça change pour toutes les personnes qui ont besoin de la médecine du travail. Je vous conseille fortement d'aller écouter cette émission qui doit être en replay sur leur site. Un gros gros big up à eux et à tous ceux qui se battent pour un avenir plus radieux pour les générations futures, bordel de merde. Raph, je crois que tu veux nous remettre un petit truc et puis on se met une petite musicothérapie des familles, histoire de remettre une vibe. Ouais, ça marche. Bah, on vient de recevoir un autre message. Donc, ça sera le vendredi 10 juin, donc c'est le début de l'Euro. Donc, appel à bloquer le McDo de la fan zone du Champ de Mars. Donc, il y a un rendez-vous qui sera fixé à 17h devant le McDo. Voilà, donc c'est appelé par la CGT McDo pour bloquer le McDo de la fan zone de l'Euro sur le Champ de Mars. Et donc on vous rappelle le dernier rassemblement, donc c'est pour les camarades qui ont été arrêtés au MEDEF. Donc c'est dans le 7e rue Faber devant le commissariat au niveau du 2 bis. Donc un peu de musique et c'est parti. Sur FPP 106.3 FM, fréquence Paris Pluriel. Et on vient de s'écouter une tune de Monsieur Lion Station. La tune s'appelle comment ? Guidance. Ok, tout simplement Guidance. Et alors, ce Lion Station, il fait partie d'un collectif qui s'appelle Adaption, c'est ça ? Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait m'en dire un peu plus sur ce collectif ? Ludo ? Qu'est-ce que tu sais d'Adaption, Ludo ? Bah que c'est un collectif de collectifs. Parce que en fait, c'est, c'est un collectif de sound system et d'activistes de région parisienne dans le milieu du sound system, dub et reggae, et qui se sont rejoints, alors, qui se sont rencontrés lors d'événements, de soirées, de danse, et qui ont décidé de monter, il y a environ 2 ans, de commencer à monter un festival où tout le monde allait jouer pour représenter, justement, pour faire voir la diversité et, la diversité de la scène parisienne sur dans le domaine du sound system reggae. Mm-hmm. Pas fou. J'ai pas tort. Tu fais partie de ce collectif. On fait tous partie de ce collectif. Hein, je fais semblant pour le besoin de la radio. Hein, comme si on n'était pas jugés partisans. Mais toi-même, tu sais, le monde est tout petit. Et en vérité, je suis moi-même vice-président de ce truc. voilà. Alors, on a pris la forme d'une association de loi 1901. Tout à fait. À la base, c'est un collectif de sound system qui a décidé de se monter en collectif parce que, en fait, ils se rendaient compte que s'ils étaient tous tout seuls dans leur coin, ils ne laisseraient rien se passer, quoi. Et que, voilà, le bon vieux truc de bah, ensemble, on est plus fort, quoi. Unity ? Voilà, tout simplement. Love is the key. Voilà, voilà. Ça veut dire quoi, ça, pour nos amis non anglophones, Fafou ? Pardon ? Love is the key. Ça veut dire quoi ? Ah, l'amour est la solution. Oh, c'est beau. Et voilà, donc un bon groupement de hippies, comme vous pouvez le voir, de gauchistes hippies qui se montent en association, quoi. Oui, tout à fait. Et alors, dans quel but exactement ? Alors, le but, c'est surtout promouvoir la culture sound system par divers moyens, proposer des alternatives et à chaque fois s'engager pour une qualité de soirée. Tant sur la nourriture, la boisson, la musique qui sera diffusée, le système d'écoute. Donc ça passe par le moyen de festivals, de soirées. Il y a eu toutes les soirées organisées cette année sur les péniches, à HR, dans Paris. C'est dans la démarche de l'organisation du truc, quoi. C'est-à-dire de faire des soirées, soit des soirées de soutien, soit des soirées qui sont abordables financièrement pour tout le monde. La culture pour tous. Voilà, où les artistes viennent bénévolement. Essayer de faire un truc un peu qui correspond finalement au mode de vie prôné par le reggae, quoi. Tout à fait. Finalement, un petit peu. C'est ce côté politique de mode de vie, de on mange bien, on essaye d'être cool les uns vers les autres. Voilà, voilà, tout ça, quoi. Tout à fait. Voilà. Bah écoutez, je pense que le plus simple, encore une fois, hein, c'est de se taire un petit peu et d'écouter la musique parler, quoi. Mon petit Raph, tu nous envoies ça ? Vous êtes toujours au fond, près du radiateur. Ce soir, émission musicale, Alter Echo Festival, Adoption dans la place. Yeah. Roots music, good for you, you know? Bow to fall, Rastafari, Judean, stand tall. De retour au fond près du radiateur sur FPP 106.3 FM et notre super héros national, international, qu'est-ce que je dis même, peut-être interplanétaire, voire intergalaxique, vient d'arriver, l'homme qu'on appelle Soupa. Soupa JD, est-ce que tu peux dire bonsoir dans le micro? Yes, bah, bienvenue. Il y a encore un autre invité qui est perdu dans la rue de la solidarité qui devrait plus tarder. Alors, en attendant, on vient de s'écouter un morceau de Hartman du Black Rose Sound System avec le chanteur qui s'appelle Bennington Juda. Ces deux artistes seront présents au festival dont on vous parle depuis le début. Bennington Juda, il nous vient de Leeds en Angleterre et Arthur, en ce moment, il est en Normandie, mais il vient d'un crew de Picardie qui s'appelle le Black Rose Sound System et que je salue bien, bien bas parce que c'est nos grands frères, nos potos, les gens qui nous ont donné du matériel les premiers, qui nous ont donné des dubplates les premiers, qui ont été très très gentil, c'est des humains formidables, voilà, alors rien que pour ça je les salue bien bas, et en plus ils font de la bête de musique. Donc on était sur la présentation du collectif Adoption, le fameux collectif de Sound System Adoption, et peut-être que c'est le moment de se faire la liste des crews présents. Bah ouais, carrément. Alors allons-y, hein, démarrons les Soupa JD, là, notre héros auto-national, intergalactique, etc., etc. Tu nous viens d'où, toi ? Eh bien, je viens d'un petit crew qui s'appelait à la base Citizen Sound et qui a fusionné, parce que Adoption, c'est une grande histoire d'amour et une grande histoire de fusion, avec le crew Pryanam. Et maintenant, on forme donc le Sound System Pryazen. Beau programme. Beau programme. Alors, on a qui d'autre sur la liste ? On a The Berminator Sound System qui nous vient tout droit du 77. L'homme qu'on appelle Maximum et l'homme qu'on appelle Mataya que l'on salue bien bas. Oh, la porte s'ouvre et voilà l'homme qui s'était perdu dans la rue de la solidarité. Qui fait partie de notre collectif, hein, tout droit, qui vient de la planète qui s'appelle Footprint System, une merveilleuse planète dont on écoutera dans peu de temps d'ailleurs les productions, toujours chaleureuses et teintées de musique du monde entier. Théo, bah, je pense que c'est le bon moment pour te présenter à nos chers auditeurs. Oui, bah, écoutez, bonsoir à tous. Donc c'est Théo, le responsable de la communication du collectif Adoption et de Alter Echoes Festival. Et donc effectivement, on aura l'occasion d'écouter quelques petites productions, notamment celles qui seront présentes sur le prochain album qui sortira très bientôt. Donc a priori, pour vous donner un ordre d'idée, ce serait sur fin juin qu'il sortirait. Et voilà, donc on va écouter ça ensemble avec la famille. All right. Et bah, en tout cas, bienvenue parmi nous. Merci. Et donc, toi, tu fais partie donc, du crew qui s'appelle Footprint System, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. C'est donc un sound system assez récent pour ce qui est de la sono, mais on compose des rythmes depuis à peu près 8 ans maintenant, qui sont à mi-chemin entre dub UK et musique du monde, souvent avec des influences du Maghreb, du croissant fertile, donc Turquie, Afghanistan, et plus à l'est encore, de l'Inde, du Rajasthan et du Sri Lanka. Waouh, un beau voyage. Un programme planétaire donc avec nos amis du Footprint System. Alors dans le collectif, on retrouve également les poteaux d'Indy Boca et Monsieur Lion Station qui sont encore bloqués dans les embouteillages. Peut-être qu'ils vont arriver sur les coups de 8 heures. J'espère qu'ils passeront nous faire un petit coucou et peut-être balancer une petite chanson si la circulation leur permet. Qui sait qu'on a d'autres dans le collectif. Cool collectif. On a Roots Diligence dans le cool collectif. On va commencer, finir par le crew que je représente, que c'est pas très poli de le faire en premier. Alors du coup, on a Roots Diligence, qui nous vient du 92, non ? La banlieue sud, quoi, en tout cas, hein. c'est sûr et certain. Fontaine Michalon, Anthony, tout ça, et qui font des soirées depuis, il me semble, un bon bout de temps, hein, déjà, au moins 6 ou 7 ans. Ils ont commencé plutôt dans les milieux techno-trans. Bah, en faisant le côté reggae dub de ces soirées-là, et maintenant ils sont dans un collectif, le nôtre, de Sound System, purement reggae dub. D'ailleurs, un gros big up pour l'homme qu'on appelle Goulman, Skanking Echoes, qui faisait Goulman. Partie de Roots Diligence, qui était un super adoptionneur lors de la première édition et qui est avec nous. Qui nous soutient même depuis la Nouvelle-Zélande. Enfin, big up Goulven. Grosse pensée pour toi. Maxi big up Goulven. Love ya. Alors, qui c'est qu'on a d'autres dans le collectif ? On a dit Praia Zen, ça c'est bon. On a dit Indy Boca, ça c'est bon. On a dit The Berminator, ça c'est bon. On a dit Lion Station, ça c'est bon. On a dit Farial. On n'a pas dit Farial. Présente-toi. Alors, moi, c'est le collectif que je représente à un. Alors, Ludo qui nous disait on a un collectif de collectifs. Alors, personnellement, c'est INI. Et pour ma part. Tout a commencé avec Adoption, donc c'est une grande histoire d'amour avec tous les autres sounds qui ont pu me permettre de progresser, de découvrir. Je pense qu'on se tire tous vers le haut et pour ça, merci beaucoup les gars, quoi. Yes. Puis je pense que maintenant, il nous manque un sound system qui se fait désirer, là. Ouais, je sais pas, mais non, en tout cas, j'essaie d'oublier personne en fait. C'est surtout ça le topo. Et comme vous pouvez voir, c'est moi-même Jean qui suis là pour représenter le collectif Stepper Alliance Sound System. On tient une émission ici sur FPP qui s'appelle Dub on Top. Pour ceux qui connaissent. Alors, je ne vais pas vous dire que ça passe le dimanche de 3h à 4h30 du mat, mais je peux vous dire par contre que vous pouvez écouter les podcasts quand vous voulez sur les internets, sur un site que je vais big up qui s'appelle Talawa, qui est complètement gratuit, qui fait de l'hébergement de banques de données et qui héberge un nombre d'émissions reggae et dub dans le monde. C'est incroyable. Si vous aimez la musique, que vous l'écoutez des heures et des heures et des heures de musique sans pub, jamais, vous allez sur Talawa. Ça prend un peu de temps à charger la page parce que c'est gratos et que du coup t'as pas la bonne passante de ouf, mais en tout cas le contenu est là, des quatre coins du monde, de qualité, les plus grands artistes de la scène dub postent leur émission. Gros big up d'ailleurs un gros big up à Samira. Yes, exactement. La fondatrice. Hein. Gros big up à elle pour tout staff. Tout à fait, pour tout ce qu'elle a permis comme contact entre les sounds, tout ce qu'elle a permis comme featuring, grâce à finalement à des publications qui ont été partagées massivement par les dubbers, par les soundmakers, mais même aussi par le public. Et c'était finalement un peu inspiré par ça aussi que Adoption s'est construit, parce que l'idée c'était aussi de pouvoir permettre effectivement à des formations différentes. De se rejoindre et de faciliter toutes les démarches qui permettent d'organiser des événements publics, donc à savoir une grande quantité d'échanges de services pour limiter les frais, parce qu'une grande partie de ces crews-là sont quand même plutôt issus de la mouvance débrouille, voire libertaire, donc on évite au maximum tous les frais inutiles quand on peut les éviter en faisant ce type d'échange par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est assez propre à la culture dub, cette culture de la débrouille, cette culture de l'entraide aussi, finalement, d'une solidarité entre les sounds. Et c'est ça qu'on aimerait aussi créer comme dynamique, quoi. Plutôt que la guerre des sounds façon anglaise, quoi. Tout à fait, voilà. L'idée, c'est vraiment de sortir de cette logique de clash, c'est l'idée de sortir, vraiment, c'est essayer d'embrasser un maximum aussi d'influence musicale dans les sounds, même si on reste dans le groove dub ou reggae ou quoi. Effectivement, c'est intéressant finalement d'être surpris. Moi, si je vais en sound system, je pense que c'est le cas aussi pour pas mal d'entre nous, c'est vraiment pour être surpris, pour retrouver aussi certains des morceaux qu'on aime écouter au quotidien, mais c'est vraiment pour tomber sur une perle qu'on n'a jamais entendue, qui sort de nulle part et qui nous laisse un peu sur les fesses, quoi. C'est vrai. Oui, oui. Oui, oui. Ça dit des plus un silencieux du côté, voilà, de notre ami JD. Mais effectivement, il y a pas mal de gens qui sont là à la recherche de la tune que tu n'as pas entendue. Tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne sais pas qui l'a enregistrée. Mais en tout cas, tu sais qu'elle est mortelle, sa mère, et que tu ne la retrouveras jamais, surtout. C'est ça qui est... Il y a un côté éphémère qui est plaisant aussi. Voilà, c'est que tu dis, ah bon, bah, je ne le retrouverai peut-être jamais, ce morceau, mais au moins, sur ce moment-là, je l'aurais apprécié. D'autant plus si les personnes qui le jouent portent un message aussi qui est intéressant, parce que dans une période comme celle qu'on traverse aujourd'hui, donc une génération jeune dont le futur laboral est vraiment pas mal menacé quand même, le retour du sound system, c'est aussi le retour de toutes ces critiques et de toutes ces revendications donc sociales, politiques, éducatives, etc., dans la sphère du sound system, comme à l'origine, donc c'était donc une radio populaire à ciel ouvert, qui servait de miroir à toutes ces réflexions. Yes, yes, yes. Bah, écoutez, je pense qu'une fois de plus, on va laisser la place à la musique, histoire de parler bien mieux que nous, même si Théo, tu parles admirablement bien. je t'aime pour ça, mon ami. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais, ouais, voilà, Jack. Exactement. Bah, Raph, Chou, quand tu veux. Et du coup, dans la playlist, là, tu as Mix 1 ou Monochrome Boons, tu veux lequel ? Mix 1, là, mais Mix 1, c'est les poteaux de Indie Boca Sound System qui produisent ça dans le très fameux studio qui s'appelle Sawa Sound. Un gros big up à Amir et Alex Indie Boca à la production. Vigne-sous-Seine. Voilà, studio inondé dont ils ont dû retirer toutes les tranches une par une, étant donné que l'eau a infiltré la cave et que le mur a été construit après l'installation de la table. Voilà. Run the track, Jack! Always. pièce, on cut un peu sec parce qu'il y a beaucoup de monde sur la corde à linge et il nous reste déjà plus beaucoup de temps. Alors ce que je propose, Raph, c'est que tu nous renvoies une petite vite fou là, bah, la Monochrome Boonscat, là, ça c'est produit à la maison, Stepper Alliance Studio. Check the vibration. Je préviens, c'est Raph, c'est un peu énervé. C'est du gros. Dans le dub, on appelle ça du stepper. Et dans le stepper, on appelle ça du stepper très très énervé. Je rappelle que sur la chanson qu'on vient d'entendre, le chanteur, c'est l'homme qu'on appelle Jaco. Je lui passe un gros gros big up. On lui passe tous un gros gros big up parce que c'est un humain formidable qui chante très très bien. Neuf respect. L'album est dans les bacs. Vous pouvez le checker sur les internets, à la Fnac, tout ça, tout ça. On n'a pas trop de temps. Run the track, s'il te plaît. C'était un peu rough, c'était monochrome, c'est disponible ainsi que tout l'album du même nom sur les internets. Tu vas sur Bandcamp, tu tapes 0€ si tu veux donner 0€ dans la truc somme et tu télécharges ça en wave, il y a 5 chansons, c'est tout bon pour toi. Sinon tu peux donner 5€ à Stepper Alliance pour les aider à maintenir leur sound system et puis pour les aider à vivre quoi. Si t'as 5 boules, j'avoue, on est assez preneur. Il faut bien l'avouer. Et ben on est de retour au fond près du radiateur, comme vous avez pu le constater, toujours sur FPP 106.3 FM, fréquence par le pluriel. Et ce soir, c'est donc une émission plutôt à caractère musical autour du festival que l'on organise dans le 77 à Mitry-Mory le 24 et le 25 juin. J'avoue qu'on l'a pas dit depuis le début, c'est quand même assez, bah voilà, Adoption Waves, comme on dirait par chez nous, Adoption, on fonctionne un peu comme ça, voilà, on parle beaucoup, mais bon, voilà, voilà. Et donc dans ce festival, il y avait une sorte d'engagement éco-citoyen, responsable, local, bio, machin, nanan. Et dans ce cadre-là, il avait été décidé donc d'ouvrir le truc, de pas faire que de sound system, mais d'ouvrir avec une scène live où il y aurait des groupes d'autres musiques et même des groupes locaux, voire même la chorale des enfants de la ville, quoi. Totalement. Alors dans la chorale, il n'y aura pas que les enfants de la ville, il y aura aussi les adultes, ouais, voilà, les grands enfants de la ville. Sur la scène d'Alter Echoes, le vendredi 24 et samedi 25 juin, on retrouve un métissage dans les genres de musique, un petit peu de fusion, même si le terme parfois peut voilà, chatouiller certaines personnes. Mais, mais si vous aimez le rap, si vous aimez le hip-hop, si vous aimez les démos de danse, les grosses fanfares comme Taras Bulba, le live dub comme Massive Dub Corporation, des groupes de métal qui mélangent un petit peu de rap comme Dirty Bastards, qu'est-ce qu'on a d'autre le vendredi? On aura beaucoup d'MC, qui viennent. J'ai failli oublier de dire, attends, pas possible, il y a un autre animateur de Au fond près du radiateur qui sera présent à ce festival, c'est notre poteau Antoine, sous son nom d'artiste Unico Gris. Avec, je pense qu'il aura un pote au backing, peut-être ça sera Sof, peut-être ça sera quelqu'un d'autre, mais je suis pas sûr, en tout cas il y a deux mics de prévu. Vous pouvez check aussi son album qui est sur YouTube, tout pareil, tout gratos. Tu tapes Unico Gris, UNIKOGREE, je te le répète parce que c'était un peu long, UNIKOGREE, j'ai failli me perdre en le disant. Voilà, voilà, donc il sera aussi présent et on le salue bien bas. Il y aura aussi la famille de Taras Bulba. Hein, qui va nous ramener du funk ultra mashup. Alors, si Taras Bulba, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un concept un peu funkabulous, c'est un collectif. Donc, ils viennent, ils sont beaucoup, hein, ils sont très très beaucoup. Je crois qu'au Mac, ils sont 150. C'est-à-dire voilà. Que si tu veux qu'ils ramènent un gros bordel chez toi, c'est possible. Il y a toutes les formations, quoi. Ils peuvent venir, je crois, à 10, à 20, à 50, à 100. À 150, et ils sont pas professionnels. Hein, ils sont il y a des musiciens. Tout à fait. Oui. Ils sont payés, t'as 150 cachets ? Non. En fait, ils font des arrangements. Ils essaient de faire des arrangements de groupe. Et au final, effectivement, c'est des gens qui travaillent des partitions depuis chez eux, finalement, et puis qui se retrouvent sur les lives pour jouer les morceaux originaux ensemble. Mais oui, ce qui est assez impressionnant, c'est que ça voyage énormément, et ça voyage aussi au niveau instrumental. Il y a vraiment des instruments très différents qui rejoignent la formation. Je me rappelle notamment un live qu'il y avait eu au squat à République, au rue Boulanger, au château d'Albatar, où il y avait 300 personnes et ils avaient ramené 70 musiciens, donc beaucoup de cuivre, et c'était un bordel, mais c'était scandaleux. C'était scandaleux. On en profite aussi pour passer un maxi big up à Rocking Wise, à Reckless Brothers, à Eerie Orchestra, à toute la famille qui va nous rejoindre, à Red Hot Chili Stepper aussi. Voilà, toute la connexion de l'Est de Paris également, qui va venir animer avec beaucoup d'énergie. On aura aussi Bacayard, La Gratte Manouche, Massive Dub Corporation, je crois qu'on l'a déjà dit. Yes. Il y a Aiménitri qui sera là. En fait, l'idée, ça a été sur ce festival-là et sur l'édition de l'année dernière, de faire jouer les gens qui jouent jamais, et notamment les gens d'ici, en fait, tout simplement, les Sounds d'Île-de-France, quoi, de Paris et d'Île-de-France. Et du coup, cette année, comme on est dans le 7-7, on a fait la part belle au 7-7. L'année dernière, on était dans le 7-8, c'était toute l'Île-de-France qui était plus ou moins représentée. Et cette année, on a essayé de faire un truc où il y a des gens qui viennent donc d'autres pays, des gens qui viennent d'ailleurs en France, des gens qui viennent de Paris, des gens qui viennent de la ville même. Cette année, on a tapé sur toutes les tailles, mais il y a quand même pas mal de locaux. On a aussi des Airplane qui sont pas très loin également. Il y en a qui sont situés à Mitry, d'autres vers Tremblay. Il y a aussi, on va aussi big up Diokira qui sera présent, qui va sonoriser le chill out. Avec plein de petites sélectas de personnes qui ne sont pas forcément tout le temps présentes derrière les contrôles, mais qui aiment la musique, qui aiment le reggae, et qui vont nous partager quelques disques. Et leur production perso, quoi. Il y a aussi beaucoup de prods effectivement, qu'on n'entend jamais, ni sur les ondes, ni en sound, et qui valent vraiment le coup d'oreille, ça c'est clair. Et en plus de ça, voilà, ça va être effectivement un rassemblement de plein air, donc ça va être la possibilité d'écouter ça en conditions vraiment, vraiment optimales. Et ça, c'est vraiment nouveau aussi de pouvoir travailler comme ça dans ces conditions. Donc ça va être super cool. D'ailleurs, on en profite pour passer un petit appel à tous ceux qui seraient solidaires de cet événement et qui souhaiteraient nous rejoindre dans les équipes bénévoles. Voilà, ça, c'est une expérience qui vaut vraiment le coup. Vous pouvez mobiliser toutes vos aptitudes, toutes vos qualifications, même si c'est l'espace que de 3 jours. C'est vraiment l'occasion de découvrir un super moment de vivre ensemble, de passer un très bon moment et de créer un beau moment vraiment à la fois familial et à la fois créatif et récréatif. Donc voilà, pour tous ceux qui sont chauds pour nous rejoindre, n'hésitez pas à checker www.adoption.com et à remplir la charte bénévole qui prend 2 minutes à remplir. Yes, Aya. Yes, je fais un petit point pour les gens qui feraient dans leur tête une sorte de lien entre Sound System et DJ. Vous allez voir des sound systems, c'est-à-dire que vous allez voir des gens qui composent de la musique, donc vous entendrez des productions musicales que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Il y aura des trucs joués qui sont des cartons interplanétaires parce que c'est des gigatunes, mais il y aura aussi des trucs que tu n'entendras jamais ailleurs que sur la sono qui est en train de jouer la chanson à ce moment-là précis. C'est ça aussi la spécificité du sound system, c'est d'apporter de la musique exclusive aux gens. C'est-à-dire que c'est un moment où quand même on va entendre beaucoup de musique qu'on ne pourra jamais entendre ailleurs. Faut le signaler, il me semble. Et ben voilà, je pense qu'on va s'en remettre une petite couche, hein, tranquillement. Peut-être s'écouter une petite production Footprint, là, tout frais. Ça marche, ben on va se mettre la numéro 8 du CD rap. Non. Non. Il n'y a pas de numéro 8, hein. Je suis désolé, mais il n'y a pas de numéro 8. Il y a la 6, c'est Subversion, ou la 7, c'est Lakshmi quelque chose. Ça, tout à fait, ouais, qui s'appelle Arca, en fait. C'est ça, c'est la dernière tune du CD. C'est la 7, du coup. Donc ça, c'est l'album qui sortira très bientôt sur Footprint System, du coup, et probablement sur ODG, pour ceux que ça intéresse. Ça sera disponible en téléchargement et écoute libre au format MP3. Et les waves seront disponibles sur Bandcamp. Voilà, bah... Yes, I run it. Au fond. Yes. Vous êtes bien de retour au fond près du radiateur sur 106.3 FM. On vient de s'écouter une production Footprint System. Ça tombe bien, on a un des membres de Footprint System juste avec nous. Est-ce que tu peux nous en parler vite fouille, s'il te plaît, mon chou? Yes, donc ça, c'est donc le morceau s'appelle Arca, il va sortir sur le nouvel album. Donc c'est le troisième album Footprint, là, qui va sortir du coup fin juin. Vous serez informé sur les réseaux sociaux, il vous suffit pour ça de suivre l'actualité Adoption ou de suivre l'actualité de la page Footprint System. Donc voilà, après Zamala, Alter Echoes, qui était le nom du premier album, du coup, réalisé l'année dernière, on enchaîne sur celui-ci. Voilà, Arca, pour ceux qui veulent réécouter, elle est déjà disponible sur les réseaux sociaux en preview. Et voilà, merci. Big up. Yes. Bah, je pense qu'on va continuer dans l'écoute des productions du collectif Adoption avec une production du crew Prayazen. Ça tombe bien, on a un autre membre du collectif Prayazen avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu avant qu'on lance la tune, JD? Alors, on va refaire un petit récap. Bon, comme je disais tout à l'heure, Prayazen, c'est une histoire de fusion entre deux crews, Citizen et Prayanam. On s'est pas trop embêté pour choisir le nom. C'est parce que c'est des bons amis qu'on se kiffe depuis longtemps et qu'on avait envie d'approfondir un peu le projet et de monter notre propre sound system. Donc là, si j'ai bien compris, le tune qu'on va entendre, c'est de nos amis de Prayanam, du coup, compositeur de talent. Voilà, Tony, Antoine Prayanam, Maxi, big up à toi. Love ya. Et bah Raph, quand tu veux, run it. Straight Outta Prayazen Sound, Adoption Familia. Ça va être high level, hein, Prayanam, cette année-là. Ça envoie du lourd en perspective, les amis. Donc, l'homme ne s'arrête jamais. Voilà. En ce moment, c'est incroyable. Il y a 6 ou 7 chansons en même temps qu'il fait. Enfin bon, bref. Neuf respect à tous les rhythm makers un peu partout sur cette putain de planète qui font du big tune. C'est assez incroyable ce qu'on vient en ce moment. Alors, vous êtes bien de retour au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Hein. Toujours, ça marche de 19h à 20h30. Il nous reste un bon gros quart d'heure. Et ce soir, c'est l'émission sur Alter Echo Festival qui se passe le 24 et le 25 juin à Mitrimori dans le 7-7. Et alors, est-ce que Fafou... Ah, on nous signale. Ah, j'ai une question, en fait. C'est combien l'entrée ? Ah bah voilà, on y venait. Je crois qu'il y a eu... De la télépathie dans l'air, là. Alors, combien l'entrée ? Ça dépend, j'ai envie de te dire, ça dépend. Est-ce que tu viens pour les deux jours ? Donc, est-ce que tu arrives sur place et que tu prends tes places direct pour les deux jours ? Dans ces cas-là, c'est 15 euros. Sinon, le ça, vendredi... Ça, c'est si tu prends tes places sur place. Sur place, voilà. Donc, le vendredi, si tu viens sur place, c'est 8 euros. Et si le tu samedi... Que, si tu viens que le vendredi, c'est ça. Si tu ouais. ne viens que le vendredi, c'est 8 euros. Si tu ne viens que le samedi, c'est 10 euros. 10 euros. Par contre, les préventes sur Internet sont à 12 euros, en place limitée, bien sûr. Et pour les habitants, les résidents, les locaux, c'est 5 euros. Donc pour les résidents de Mitrimori et de Tremblay. De Tremblay en France. La ville mitoyenne. Voilà. Voilà, toujours dans cette démarche d'ouvrir le festival aux gens locaux. L'idée, c'est de leur faire payer moins cher comme ça. Même s'ils n'écoutent pas trop de reggae dub, et bah, au moins ils ont la scène live où il y a d'autres styles de musique. Et en plus, c'est pas cher pour eux. Voilà, c'était donc, ça l'idée. On le rappelle du coup, Alter Echo Festival, c'est quoi ? C'est un grand espace qui est à mi-chemin entre la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis, donc dans un parc. Donc c'est, pour un, c'est un outdoor. Il y a 2 arènes sound system, 6 stacks, 6 sound systems artisanaux construits par les crews qui les ramènent sur place, une scène live, un village associatif avec des ateliers créatifs, des associations qui viennent présenter des projets solidaires, etc. Plein de projets créatifs sur place, un chill out, de la bière biologique, de la nourriture saine. On est, comme on le disait tout à l'heure, on est autogéré, autofinancé, donc on ne nous impose pas de saucisses frites. Vous mangez bien sur Alter Echo Festival et pas cher. Voilà, donc vous aurez l'occasion d'avoir accès à des activités d'art plastique, d'art vivant et des performances. Il y aura des stands de vinyle, les labels indépendants seront présents pour présenter leur release. Il y aura également des émissions de radio interactives et la possibilité de participer à ce festival de plein de manières différentes. Donc on vous attend très nombreux pour cette édition d'Alter Echoes. Et puis vous pouvez dormir sur place parce qu'il y a un camping aussi. Qui est gratuit. Camping gratuit. Tout à fait. Et qui est gratuit également pour les bénévoles qui souhaitent commencer le montage un peu plus tôt. Donc si vous voulez venir 2-3 jours avant le festival pour nous aider sur le montage, il vous suffit de remplir le formulaire encore une fois qui est disponible sur la plateforme web Adoption, donc www.adoption.com. sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires pour y parvenir. Et puis un petit mot aux parents, vous pouvez venir avec vos enfants, c'est gratuit pour les moins de 12 ans, et puis il y a des ateliers pour les enfants aussi, des activités qui sont prévues. Yes. Eh bien écoute, je crois qu'on va s'en mettre un petit big up aux poteaux du Black Rose Sound System dont je vous parlais tout à l'heure, qui seront présents avec nous. Ça c'est une tune avec un chanteur jamaïcain qui s'appelle Aerobel, la tune s'appelle Unity, et le refrain t'explique que la peur c'est ton ennemi, et qu'il faut pas avoir peur frère, et faut être tous ensemble très tranquillement dans la joie, l'amour et la bonne humeur. Have no fear. Yeah, ça y est, on voit le bougeant raf. Love does the paper with pretty ink. Every next man if you sight him, I think of the tunes as strong as the weakest link. So, leg of fear, come draw near. Listen up my family and lend your ear. The truth must be told, the love must be shared. And ignorance just won't be spared. Ignorance we have been from out of the street. Whether it's shabby, whether it neat. Knowledge gives strength so the fool must weak. From the crown of the head to the soul of the feet. But I wake up, time stop, walk and sleep. Your survival slim and your chances weak. Miss this height and you're in too deep. Hear me attack, listen me I speak so. Leg of fear, come draw near. Listen up my family and lend your ear. The truth must be told, love must be shared. And ignorance just won't be spared. Come on! Leg of fear, just draw near. Listen up my family and lend your ear. The truth must be told, love must be shared. And ignorance just won't be spared. I could make it simple, keep life straight. Stop take food from the children plate. Strengthen the weak, don't break his gate. Love ignorance, it teach it hate. Deal with love, it makes us great. Free up the scrub and lower at grace. Grudge no one, control your space. Better start now, wait, I get too late. So, leg of fear, come draw near. Listen up my family and lend your ear. The truth must be told, love must be shared. And ignorance just won't be spared. Whether you're black or you're white, blue or you're pink, you go straight, you go think, when I care you who might be a thing, when I care where you live, how you are think, when I care if you stare, care if you blink, love got the paper with pretty ink, every next man if you're sighting my sink, are the chains as strong as the weakest link, so there go fear, come down here, listen up my family and lend a your ear, the truth must be told, the love must be shared, and ignorance just won't be spared. Ignorance we have been from out of the streets, whether it shabby, whether it neat. Knowledge gives strength so the fool must speak, from the crown of the head to the soul of the feet. But I wake up, time stop, walk and sleep, your survival slim and your chances bleak. Miss these heights and you're in too deep, hear me attack, listen me a speak, so leg of fear, come draw near, listen up my family and lend a your ear, the truth must be told, love must be shared, and ignorance just won't be spared. C'était de retour au fond près du radiateur 106.3 FM. Et si tu as les oreilles un petit peu tatillonnes, je tiens à te signaler, très cher camarade auditeur, que la tune que tu viens d'entendre n'est pas mixée ni masterisée. Alors si le mix de la voix est un petit peu au-dessus et que tu trouves l'instru un peu loin, bah c'est normal, Rasta. C'est parce que c'est pas tout à fait la version finale et qu'il n'existait pas encore de version finale, à tel point cette tune est putain d'exclusive, Rasta. Tu vois ? Alors, c'était un gros... strictly exclusive tonight. Voilà. C'était une petite dubplate des poteaux du Black Rose Sound System qui seront présents à Alter Echo Festival le 24 et le 25 juin. À Mitry-Mory, RERB, banlieue nord, tu prends Gary, Paris, Gare du Nord, c'est pas très loin, trois arrêts. 20 minutes ville de Gare du Nord. Mitry le 9. Yes. 7-7 style, tout simplement. Bah écoute, je pense qu'on s'en remet une petite et après on va refaire un petit point quand même sur les activités en cours au niveau de la lutte sociale, de la lutte contre la loi El Khomri, de l'appel que je rappelle d'ailleurs maintenant au commissariat métro invalide pour les poteaux qui sont en garde à vue suite à l'action d'aujourd'hui au MEDEF. On vous rappellera l'adresse exacte tout à l'heure. Pour l'instant, on se met de la musique, toujours consciente, au fond, près du radiateur, sur 106.3 FM. Well, bruv. When you want me, Breda. Run it! Yes, les amis, on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé, on cut les tunes, c'est un peu sec ce soir, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes présents, c'est dur de faire court. Et ça, ce qu'on vient de s'écouter, c'est Gamma Sound System qui fait ça, tu peux retrouver ça sur SoundCloud, t'écoutes gratuitement, il doit y avoir 112 chansons, je crois, sur sa page SoundCloud, parce que c'est une sorte de psychopathe de la musique, il s'arrête jamais, et il sera présent au Alter Echo Festival, il vient tout droit de Bruxelles. Un il y aura... big up à Anthony. Yes, Anthony, Fifoun, toute l'équipe de Bruxelles, Reservoir Dub, on vous aime, vous êtes fantastiques. Alors, il y aura aussi Bennington Judah qui vient de Leeds, il y aura Original Rockers qui vient de Toulouse, il y aura Roots Attack qui vient d'Île-de-France, il y aura Foundation Hi-Fi qui sont des sérieux collectionneurs de vinyle de reggae. Alors attention, là c'est du très très lourd, il n'y a pas un scud après les années 90, c'est très très bon, très très lourd. Je vous conseille d'aller voir ça pour tous les amateurs de black music même, mais de roots music surtout. Foundation Hi-Fi, ils seront là, c'est des parisiens. Qu'est-ce qu'il y a que... Et en parlant de fans de roots music et de black music, il y a aussi plusieurs invités qui viendront chanter sur ce festival, notamment je pense à Boubouje qui vient de Guinée équatoriale, qui chante en espagnol, en anglais, qui est du coup un artiste soul, hip-hop à la base, mais qui chante maintenant aussi sur du dub. Il y a Jaco, comme on l'avait dit tout à l'heure, Jaco with Bamboul qui va venir chanter sur les sound systems. Il y a Aya Ruben, il y aura Yann Sax qui va venir faire des prestations exclusives de saxophone, William Stepa, Ranking Judah, plein d'autres invités exclusifs qui vont venir animer la scène, donc ça va être mashup sur ce plan là aussi. Et voilà, donc big up à toute la famille qui nous écoute aussi et qui supporte le mouvement toute l'année, parce que Adoption c'est des événements toute l'année, c'est plein d'activités toute l'année, et un grand merci à tous ceux qui sont là, qui sont présents sur place sur les événements pour nous aider, pour donner vie à ce rêve là et à cette aventure là. C'est vraiment exceptionnel d'avoir cette présence, cette solidarité là, ça nous donne beaucoup de force toute l'année, big up. Yes, gros big up à tous les gens qui nous ont aidés, qui continuent de nous aider en nous donnant des petits coups de main, des gros coups de main, des gens qui nous sauvent la vie en faisant n'importe quoi, hein, du prêt de câble audio, en passant par le découpage de patates, en passant par nous déposer quelque part, en passant par passer des skeuds, n'importe quoi. Tous les gens qui nous ont aidés, qui continuent de nous aider, c'est fantastique, vous êtes trop lourds, big up à vous. Un gros big up à tous les sound systems du monde entier, tous les activistes de la musique. Je pense qu'on va, on arrive à la fin de cette émission. Big up à FPP, exactement. Gros big up à FPP, ouais, hein. Complètement. Yes, gros big up soutien, aux poteaux. Je pense notamment à l'actu des luttes. Je pense notamment à l'équipe de nuit, Nespunta, 20 ans de rap français, toi-même tu sais, DJ Dynasty, toutes ces shit. Je pense aussi à toutes les émissions reggae, aux poteaux de Dancehall Massive, je pense aux émissions punk, toutes les émissions engagées, ouais, aux émissions malgaches, aux émissions communautaires. Love, respect each and everyone. Raph, tu peux nous faire un petit récap de l'adresse et des manifs à venir, s'il te plaît, pour qu'on se quitte sur des infos militantes et conscientes pour un monde meilleur, si possible. T'y suite. Du coup, il y aura la manif du coup, contre la loi travail, donc la loi El Khomri. Ça sera mardi 14. Donc ça, c'est la grosse manif appelée notamment par les syndicats. Il y aura par contre une manif qui sera plus auto-organisée à la base par les gens qui sont en lutte aussi. Donc ça sera jeudi prochain, donc à 14h, pour voir tous les lieux des manifs, les horaires, etc. Vous pouvez vous rendre sur Paris Lutte Info notamment. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page Facebook On Bloque Tout. Donc ça, c'est les syndicalistes contre la loi travail pour la grève reconductible, etc. Vous avez aussi la page Facebook Mouvement Anti-Loi Travail, notamment, vous avez pas mal d'informations. Et là, donc, actuellement, il y avait un rassemblement devant le commissariat rue Faber, au niveau du 2 bis dans le 7e arrondissement métro Invalide, pour en soutien au camarade qui a été arrêté lors de l'occupation du MEDEF cet après-midi. Donc le MEDEF, le syndicat des patrons, ceux qui ont le pouvoir en France, c'est eux, c'est pour eux qui sont faits les lois, c'est eux qui font les lois, etc. C'est leurs hommes qui placent au gouvernement, etc. Donc voilà, il y avait une occupation cet après-midi. Et il y a un camarade qui a été blessé par le chef de la sécurité du MEDEF et qui a illogiquement placé en garde à vue, donc voilà, c'est un soutien à lui, au commissariat rue Faber dans le 7e arrondissement. Pour dire aussi, un appel de la CGT McDonald's a bloqué le McDo de la fan zone de l'Euro à partir du 10 juin. Donc le rendez-vous est fixé à 17h le 10 juin, mais il faut arriver une heure en avance pour pouvoir rentrer dans la fan zone. Donc rendez-vous à 7h le 10 juin sur le Champ de Mars pour bloquer le McDo de la fan zone. Voilà, parce que ça fait 3 mois on galère, on fait des manifs, on en est à 18 manifs je crois contre la loi travail, et puis comment dire, ils ont pas vraiment envie de nous entendre, c'est pas nos arguments qui vont les convaincre, c'est plus quand ils perdent de l'argent. Donc voilà, soutien au blocage économique qui se passe partout, soutien aux grèves, voilà, il y a que ça qu'ils comprennent quand ils perdent un peu d'argent dans leur porte-monnaie. Donc on vous rappelle, au fond près du radiateur, ça se passe tous les mardis, 19h-20h30. On est rediffusé le vendredi matin, 7h-8h30 du matin, sur cette antenne FPP 106.3 FM. Vous pouvez réécouter tous les podcasts sur notre blog, donc au fond près du radiateur.fr. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook au fond près du radiateur, faire tourner l'info, etc. Donc je crois, il y a Jean, pour terminer cette émission, sur le festival Alter Echo qui aura lieu le 24, 25 et 26. En région parisienne, 24-25, ok, le 24 et le 25 juin à Mitry-Clay, c'est ça ? Mitry-Mori. Mitry-Mori, ok, ok. Yes. Donc, d'ailleurs, merci beaucoup, Raph, un gros big up. Ah, t'inquiète, hein. t'inquiète, c'est fait pour ça, FPP. Et Run the track, Jean, Jack. Jean, il va nous lancer un petit Je crois que Jean est en train de nous préparer une petite tune de d'adieu veux, avant qu'on se retrouve au festival. Yes. Bah, merci à vous, merci d'avoir été là. Hein. Et puis, on vous souhaite un bon week-end à Alter Echo et tout. C'est parti. Au fond près du radiateur sans suspension. Radioactif comme le nucléaire. On fout le boxon. Chaque soir, chaque semaine, à chaque son. À chaque son. Tu veux mon nom ? Au fond près du radiateur. Family Beach. J'ai des sujets, mais c'est pas ceux qu'ils aiment aborder. J'ai des projets, mais ils font tout pour les aborder. J'ai des messages, mais pas ceux qu'ils aiment véhiculer. Ok, ok, mon man, tous les mardis. On a des blagues, mais c'est pas celles qui les font marrer. Everything I do gonna be funky. Au fond, préférable.fr. Aux gens qui luttent de faire l'info. Avec